J'aime le cul. J'aime le sexe. Que tu aimes. Je te salue. Je te fesse. Je dégaine. Tu l'as vu? Mon pire fesse. Pas de problème. Ça me stresse. Je te peigne. T'en peux plus. C'est la messe. Madame. Tes verrues. Dans tes fesses. C'est ça que j'aime.